Le ballon. Si le père veut écrire, il lui reste comme écritoire le dessus d'une caisse vide dans la chambre de débarras de l'entresol. Mademoiselle B, fille unique, âgée de 2 ans 3 mois, avec ses jouets, sa mère et sa bonne, occupe tout entier le premier étage de la maison. La chambre à coucher, le cabinet de toilette, la bibliothèque et jusque le petit salon. Boîte vide, poupée bariolée, mouton crépu, ménage lilliputien, piano haut d'un pied, album d'images, vaisselle de bois, mère, enfant, nourrice, chant, crie, pleure, couvre le plancher, défonce les fauteuils, mouille les tapis, gagne un à un les rayons des livres, grimpe à l'assaut des étagères, offre enfin à l'ami malheureux de la paix et du silence le coin le plus calamiteux de l'univers, le chaos. Or, un visiteur vient apporter à B le seul jouet qui manquât encore, un ballon de baudruche énorme, rond, rouge, et qui présente, au bout d'un fil blanc, l'air d'un malicieux faux bonhomme, satisfait d'avoir trouvé le moyen, tout le plancher occupé, d'encombrer ce qui restait de place au-dessus. B, en apercevant cet objet nouveau, a bondi sur ses 4 pieds et crié « Oh, Madame Bab !» ainsi qu'elle nomme sa balle de gomme et la lune. Miss, la chienne, est venue flairer le nouvel hôte, et le chat Mémène est descendu peu après de son coussin avec circonspection. À peine Madame Bab a-t-elle daigné répondre à ses honnêtetés en dodelinant lourdement sa tête bouffie de vanité. Au bout du fil passé au poignet de B, elle danse d'un air important, monte, descend, mais si lourdement, en attendant si manifestement qu'on le lui ait commandé, qu'il paraît bien qu'elle croit indigne de son volume d'amuser si petit que B. Et souvent, devant la menotte de l'enfant qui veut la caresser, Madame Bab s'éloigne, choquée, plus brusquement que ne le ferait ma sœur supérieure, menacée d'un sous-officier. Mais B ne lui en veut pas. Elle est radieuse comme une maîtresse obéie au doigt et à l'œil. Elle goûte l'âpre émotion du départ quand le ballon bondit en l'air, puis la douceur du retour et de la possession quand elle le touche de nouveau et l'embrasse. « Ah !» dit la maman, « avec un tel jouet, B va me laisser reprendre ma broderie au tambour. »« Bab, Bab, où est Madame Bab ?»« Plus de Madame Bab. » B hurle. Les yeux hors de la tête, elle montre au plafond la boule qui vient de s'enfuir. Saisissant l'occasion d'un moment de confiante tendresse, et tandis que l'enfant croyait se l'avoir uni par un lien plus cordial que la ficelle, Bab est filée. Sombre, muette, têtue, elle révèle enfin son âme mauvaise. Elle demeure immobile, collée dans un coin au plafond, juste au-dessus de l'amphore de Majorque, la blanche amie pleine de grâce et au cou délicat, dressée sur son étagère. Un bout de fil pend au nombril de Madame Bab. Il flotte, et c'est tout ce qu'il reste d'espoir pour la rattraper. Le père est requis. Docile, comme il convient au père d'une fille, unique enfant, il se hisse sur la chaise la plus haute, fait des signes, appelle le ballon, non tant pour le ravoir que pour mériter le sourire de B. Bible vêtue de cuir amadou, pesante vie des saintes gainées de planches, sont échafaudées. L'Atlas neuf lui-même est sous ses pieds, quoique allemand et de justus perte. Les pincettes à la main, du haut de ses tréteaux, le père s'étire, tend le cou, tâche à saisir le fil du ballon, avec la mimique d'un acteur adjurant l'infini. En vain, il faudra l'échelle. On court emprunter l'échelle du charcutier voisin, qui est aussi celle du quartier. Pour reconnaître l'emprunt, on devra demain manger de la viande froide. Et cela aussi, c'est la faute du ballon. La machine vient avec bruit et importance. On l'entend cogner au mur ses montants, qui sont gras à la main autant que de la couenne de lard. Or, elle est si haute que ses pieds sont encore au palier quand sa tête heurte le plafond de la chambre. On a beau l'incliner, l'insinuer, la pencher, la tordre, vouloir la prendre en traître, elle ne prétend pas entrer plus loin. Et puis, sans avoir servi, elle se retire avec le tumulte d'un domestique renvoyé. Que faire ? B, dont l'âge est religieux, essaye de la prière. « Oh, viens, Madame Bab, viens, Madame Bab !» Mais il vaudra mieux pour l'enfant demander la lune qu'implorer cette glabre face ronde. Pour apaiser les cris de B, ou du moins lui fermer la bouche, on y fourre la réserve des bonbons du ménage, ainsi qu'on jette sans compter, quand il le faut, un lest précieux. Le ventre rond, B se calme, B sourit, B s'endort. Le lendemain, les rideaux tirés, personne ne pense plus à l'infidèle. Madame Bab roule sur le tapis comme une boule ridée, terne, molle, donnant l'idée d'une laide maladie qui va peler. La chienne vient, du museau, pousser Bab la décatie. Mémène, plus délicat, fait un bond pour ne pas la toucher. « Où ?» dit B. « Partez, vilaine !» Et d'un coup de pied, crève Bab, qui meurt avec un bruit honteux. B, sans pitié, pétrit les restes de son idole d'hier en une boulette qu'elle colle soigneusement sur le poêle brûlant. En un instant, la chambre est empestée. La vieille servante doit venir ouvrir les fenêtres, le poil hérissé de colère. « Ah, c'est le jouet d'hier, dit-elle. Il fallait encore celui-là. Et il y en avait déjà une brouette. De mon temps, la vieille Thérèse a de la barbe, de mon temps, les enfants avaient, pour s'amuser, les rats morts trouvés au grenier, et quelquefois une taupe des champs, une taupe de velours. Et quel plaisir !» Enfants, poules et pigeons embraînent et souillent la maison.